Juge chapitre 7. Jérubal donc, qui est Gédon, se levant dès le matin, et tout le peuple qui était avec lui, ils se campèrent près de la fontaine de Haro, et ils avaient le camp de Madian du côté du septentrion, vers le coteau de Mor dans la vallée. Or l'Éternel dit à Gédon, le peuple qui est avec toi est en trop grand nombre, pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, en disant, ma main m'a délivré. Maintenant donc fais publier, le peuple l'entendant, et qu'on dise, quiconque est timide et a peur, qu'il s'en retourne, et s'en aille dès le matin du côté de la montagne de Galaa, et 20 000 du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédon, il y a encore du peuple en trop grand nombre, fais-les descendre vers l'eau, et là je te les choisirai, et celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, il ira avec toi, et celui duquel je te dirai, celui-ci n'ira point avec toi, il n'ira point. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédon, quiconque lappera l'eau de sa langue, comme le chien la happe, tu le mettras à part, et tu mettras aussi à part tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lappaient l'eau dans leurs mains, l'apportant à leur bouche, fut de 300 hommes, mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux, pour boire de l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédon, je vous délivrerai par le moyen de ces 300 hommes qui ont lappé l'eau, et je livrerai Madian en ta main. Que tout le peuple donc s'en aille, chacun en son lieu. Ainsi le peuple prit en sa main des provisions, et leurs trompettes. Et Gédon renvoya tous les hommes d'Israël chacun en sa tente, et retint les 300 hommes. Or le camp de Madian était au-dessous, dans la vallée. Et il arriva cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en ta main. Et si tu crains d'y descendre, descends vers le camp toi et puras ton serviteur. Et tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées, puis tu descendras au camp. Il descendit donc avec Pura son serviteur, jusqu'au premier corps de garde du camp. Or Madian, et Amalek, et tous les Orientaux, étaient répandus dans la vallée comme des sauterelles, tant il y en avait, et leurs chabots étaient sans nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant il y en avait. Gédon donc y étant arrivé, voilà, un homme récitait à son compagnon un songe, et lui disait, voici, j'ai songé un songe, il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge, se roulait vers le camp de Madian, et qu'étant venu jusqu'aux tentes, il les a frappés, de sorte qu'elles en sont tombées, et il les a renversées, en roulant du haut de la montagne, et elles sont tombées. Alors son compagnon répondit, et dit, cela n'est autre chose que l'épée de Gédon, fils de Joa, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout ce camp en sa main. Et quand Gédon eut entendu le récit du songe, et son interprétation, il se prosterna, et étant retourné au camp d'Israël, il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian en vos mains. Puis il divisa les 300 hommes en 3 bandes, et leur donna à chacun des trompettes à la main, et des cruches vides, et des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, prenez garde à moi et faites comme je ferai, lorsque je serai arrivé au bout du camp, vous ferez comme je ferai. Quand donc je sonnerai de la trompette, et tous ceux aussi qui sont avec moi, alors vous sonnerez aussi des trompettes autour de tout le camp, et vous direz, l'épée de l'Éternel, et de Gédon. Gédon donc, et les 100 hommes qui étaient avec lui, arrivèrent au bout du camp, comme on venait de poser la seconde garde, on ne faisait que poser les gardes, lorsqu'ils sonnèrent des trompettes, et qu'ils cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Ainsi les 3 bandes sonnèrent des trompettes, et cassèrent les cruches, tenant en leur main gauche les flambeaux, et en leur main droite les trompettes pour sonner, et ils criaient, l'épée de l'Éternel, et de Gédon. Et ils se tinrent chacun en sa place autour du camp, et toute l'armée courait çà et là, s'écriant et fuyant. Car comme les 300 hommes sonnaient des trompettes, l'Éternel tourna l'épée d'un chacun contre son compagnon, même par tout le camp. Et l'armée s'enfuit jusqu'à Beth-Sita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Mola, vers Taba. Et les hommes d'Israël, savoir de Nephtali et de Zé, et de tout Manassé s'assemblèrent, et poursuivirent Madian. Alors Gédon envoya des messagers par toute la montagne d'Ephraïm, pour leur dire, « Descendez pour aller à la rencontre de Madian, et saisissez-vous les premiers des eaux du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. » Les hommes d'Ephraïm donc s'étant assemblés, se saisirent des eaux du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Et ils prirent deux des chefs de Madian, Horeb et Zed, deux accents aigus B, et ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, mais ils tuèrent Zed, deux accents aigus B au pressoir de Zed, deux accents aigus B, et ils poursuivirent Madian, et apportèrent les têtes d'Horeb, et de Zed, deux accents aigus B à Gédon, au-dessus du Jourdain.